Voici dans la deuxième partie de cette conférence du 26 janvier. Comment obtenir la paix intérieure? Maintenant, on a 6 questions, Alexandre, sur les exercices que tu as donnés tantôt. J'ai eu environ une dizaine de demandes de détails sur l'exercice. Et puis, il y en a qui ont été jusqu'à me demander que tu te lèves debout pour qu'ils voient bien. Très bien, je vais faire ceci, oui. L'exercice, le rituel le plus important qui est très vieux, consiste tout simplement à irriter cette glande pinéale, ce troisième œil, par le biais de vos deux narines, en respirant par vos deux narines. Et pour ce faire, vous posez le pouce et l'index sur les deux narines, comme ça, bien les boucher. Et vous soufflez à plusieurs reprises jusqu'à ce que vous sentiez les tambours de vos oreilles se dilater. Les deux, hein? Les deux. Et à ce moment-là, quand vous sentez que les oreilles sont bien débouchées, là, vous placez la langue au palais, la bouche fermée. Hein? Comme si vous alliez bailler, puis après ça, vous fermez la bouche pour sentir l'air qui se passe dans vos foramines. Alors, premier temps, là, il s'est passé quelque chose. Là, la langue au palais. Pour respirer comme ceci. Et en très peu de temps, vous sentirez votre circulation cardiaque, votre pulsation cardiaque, vous frapper entre les deux yeux. Et à ce moment-là, vous fermez les yeux et vous portez vos yeux à l'intérieur de vous, entre vos deux sourcils ici. Là, vous allez sentir votre cœur battre ici. Et vous allez sentir votre champ magnétique ou votre aura, si vous préférez, se dilater. Parce que les foramines du centre cervical sont ouvertes. Le pinéal irritera la pituitaire et la circulation passera par la glande christique ici. Alors ça, c'est le premier geste à poser. Quand vous avez fait ça, là, vous sentez que l'énergie n'est pas située simplement dans votre torse ou dans vos membres, qu'elle peut monter tout le long de l'arbre de vie jusqu'au centre cervical. Et là, vous êtes conscient que non seulement vous la sentez là, mais vous pouvez la diriger par le biais de l'épine dorsale jusqu'au bout de vos mains. Au bout de vos bras. Là, il y a un petit geste à faire. Ce n'est pas un geste musculaire, ce n'est pas une contraction musculaire. Je pense que s'il y en a qui le pratiquent, vont pouvoir le faire. Vous essayez à sentir de l'électricité qui vous monte le long de l'épine dorsale. Est-ce que vous êtes capable de prouver cette sensation-là? Une contraction intérieure. Ce n'est pas musculaire. Jusqu'à ce que vous sentiez un petit courant électrique. Et une vibration au bout de vos doigts. Essayez à faire ça. D'abord, si vous avez fait l'exercice préliminaire, celui que j'ai décrit, vous aurez plus de facilité. Vous avez les talons bien à terre, l'énergie va partir du coccyx, va vous monter tout le long de l'épine dorsale, comme un petit courant électrique. Vous allez même l'entendre, vous allez l'entendre. Et là, ça va vous monter jusqu'au bout des doigts. Au point que si c'est violent, vous allez vibrer. Vous allez vibrer. Puis à tel point, vous êtes obligé de vous frotter les mains après ça pour avoir une circulation normale. Si vous êtes capable de réussir ça, pratiquez-le plusieurs fois. D'abord, ce geste-là. Là, les foramines, les oreilles sont bien débouchées. Là, vous fermez la bouche, la langue au palais. Les yeux fermés maintenant. Regardez ici, à l'intérieur. Là, en très peu de temps, vous sentirez votre cœur battre ici. Et là, vous pouvez faire ce geste-là. Un courant électrique que vous entendez, qui vous monte tout le long de l'épine dorsale. Est-ce qu'il y en a qui l'éprouvent? Un frisson, oui. Un frisson, hein? Bon. Alors, pratiquez ça de manière à ce que vous puissiez le faire presque instantanément. Là, vous sentez au bout des doigts. Quand vous voulez faire une guérison, c'est pas rien dire, remercie le bon Dieu, mon homme, sois bon vers ton prochain. Non, il faut quelque chose, il faut que vous émettiez de l'énergie. Ben, c'est cette énergie-là que vous émettez. S'il n'y a pas une émission d'énergie, j'aurais beau vous mettre un gallon d'huile, ça ne fera rien. L'huile n'est rien que le véhicule de cette énergie-là. Mais il faut que cette énergie-là s'émane de vous. S'émane de vous. C'est la même énergie que vous subissez dans les moments privilégiés. Je parle avec délicatesse, vous voyez. C'est la même énergie, n'oubliez pas. C'est cette énergie-là. Mais elle vous sort par le bout des doigts. Mais il faut qu'elle monte tout le long de l'épine dorsale. Bon. Alors, Je répète, d'abord déboucher les deux foramines des oreilles. Bon. Alors, très bien. Alors, bouche fermée, respirez la langue au palais. Fermez les yeux maintenant et regardez ici. Alors, tiens, là, vous sentez votre cœur qui bat ici. Pan, pan, pan. Et vous sentez votre champ magnétique, votre aura faire ça. Parce que les glandes pinéales et pituitaires sont bien irritées. Et à ce moment-là, ben, on peut faire ce geste-là. Du sacrum, c'est dans la région du coccyx, hein? Mais le coccyx, c'est un os, n'est-ce pas? Ouais. Mais dans le coccyx, dans le bassin, quoi, dans la zone génitale, pour employer le terme, alors c'est cette énergie-là qui est omnilatante, mais qui est toujours présente dans la zone génitale. Alors là, vous la faites monter. Vous la faites monter, simplement. Et ça vous monte tout le long de l'épine dorsale. Ça peut parler des grands dorsaux ici, le trapèze. Et là, ça vous descend le long des doigts. Puis quand c'est rendu ici, vous vibrez véritablement. Puis vous sentez, vous l'entendez même, cette énergie-là. Vous l'entendez. Ouais. Comme vous, madame disait tout à l'heure, c'est un frisson, hein? Mais un frisson assez violent, des fois. Et plus pratiqué, plus cette énergie-là est virtuelle, hein? À tel point que si vous le faites 30 à 40 fois par jour, ben, il faudrait vous reposer une couple de jours. Justement, Alexandre, ici, on... C'est correct, je pense que tu peux t'asseoir. Ici, on demande... Le nombre de temps pour chacune des étapes, est-ce que ça va en concordance avec ce que tu viens de faire? Oui. Oui. Okay. Oui, exactement. Le nombre de fois par jour qu'une personne... Le soir seulement. Le soir avant de vous endormir. Le soir avant de vous endormir, c'est suffisant. Si vous faisiez trop souvent dans le jour, vous auriez besoin de vous reposer. Hein? Ouais. Tandis que là, ça vous prédispose au sommeil, ça vous donne la paix. La paix. Bon, alors c'est... C'est le feu que vous avez distribué à travers tout votre système. Hein? C'est régénérescent. C'est régénérescent parce que vous avez distribué toute cette énergie qui est localisée, permettez-moi de le dire, normalement dans la zone génitale. Et vous la distribuez à travers tout votre système. Hein? Tout votre système. Puis c'est bienfaisant pour tout le système aussi, ça le régénère. Alors c'est exactement ça. C'est l'énergie vitale qui part de l'arbre de vie. C'est l'élan vital, exactement. Qu'au lieu de laisser se localiser dans la zone génitale et distribuer à travers tout votre système. Ça, c'est un geste que l'on fait. On peut faire ça tous les soirs, puis c'est bienfaisant. Puis vous endormez dans la paix du Seigneur. Ouais. Ben voici, je voulais décrire que normalement, on respire pendant 58 à 59 minutes par une narine. Ensuite, ça, celle-là se bouge graduellement, disons la droite. Et en même temps, l'autre se débouche pendant que l'une se bouche. Et pendant une couple de minutes, vous respirez par les deux narines. C'est ce moment-là que vous devez faire prédominer. Respirer par les deux narines, le faire consciemment, au lieu d'attendre toutes les heures que le transfert se fasse d'une narine à l'autre. Il y a deux systèmes nerveux, le cérébro-spinal et le grand sympathique. Alors, deux nerfs afférents. Alors, ces deux nerfs du grand sympathique doivent vibrer simultanément, tous les deux ensemble, plus souvent que normalement. C'est-à-dire plus souvent qu'une fois... toutes les heures. Et si vous le faites le soir, vous pouvez le faire pendant 5 ou 6 minutes, là, vous êtes chargé d'énergie, et cette énergie-là est pacifiante. Ouais. Alors là, vous vous endormez, comme je le répète, parce que la phrase s'applique bien à la paix du Seigneur. Ouais. Oh, pour l'envoyer à distance, il y a un geste qu'il faut faire. Pareil que quand on veut envoyer une image mentale à distance, par exemple. Alors, vous en faites une image mentale de la personne que vous voulez traiter ou avec laquelle vous voulez communiquer. Vous le visualisez très bien. Et vous projetez cette image-là en retenant votre haleine pendant un certain temps, en contactant votre plexus solaire, disons pendant à peu près 5 ou 6 secondes, puis après, vous détendez. Là, l'image va se projeter sur le mur ou bien dans son champ visuel, à cette personne-là. On faisait un exercice qui consistait à créer des images, faire des images mentales, ou c'est-à-dire faire des dessins à l'encre noire sur du papier blanc glacé. Et regarder cette image-là sans interruption pendant, disons, 30 secondes. Et sans osciller des yeux. Alors, ça, vous fermez les yeux, et ce qui est à noir sur le papier devenait blanc dans votre champ visuel, ou sur le mur, où vous regardez, et inversement, ce qui est à noir devenait blanc. Et quand vous avez réussi à faire des images mentales comme ça, créer des images mentales comme ça, vous êtes capable de faire une image mentale de la personne que vous voulez influencer de manière bienfaisante. et quand vous l'avez bien dans votre champ visuel, dans votre foyer intérieur, là, vous retenez votre haleine, puis vous l'exhalez. Alors, immédiatement, la personne que vous voulez influencer verra votre image sur le mur ou la verra dans son champ visuel. Et le message que vous lui communiquerez, c'est peut-être par image ou bien par parole, se transmettra. Ça, c'est de la psychothérapeutique. Excusez, je... Oui, prendre une photo. Oui, d'une personne? Ben voici. Les expériences que j'ai faites personnellement avec plusieurs individus, on prenait une photo d'une projection comme ça sur le mur. Parce que le phosphène, c'est un phosphène, et puis moi, il y a beaucoup de contraste. Il y a du blanc et du noir. Alors, immédiatement, si vous avez une plaque assez sensible qui est ouverte, alors le blanc et le noir vont se réfléchir d'une manière inverse, comme ça. On appelle ça de la psychographie. C'est de la photographie, c'est écrit avec une impression de contraste coloré, c'est-à-dire de lumière et d'absence de lumière. On peut prendre des photos. Oui. On a fait ça à Ottawa en 1949, ben, avec un groupe de 24 personnes. Sur 24, il y en a 12 ou 15 qui ont réussi 50 % des résultats. Il y en a une qui a réussi des 50 images dans une heure, à peu près. Mais la plupart des gens en ont pris au moins 20 % de ces images-là. Assez pour les relater. Ils vous écrivaient le lendemain, dire, la première projection, c'était la phrase « God bless you », ou bien « God is calling », ou bien « Station LOV calling »,« Station Amour » qui appelle, des choses comme ça. Et ça se projetait sur le mur. Il fallait que la personne soit dans les ténèbres absolues et dans le silence. Et en regardant comme ça, avec une vacuité d'esprit, tout d'un coup, il apparaissait cette image-là. Dans très peu de temps, vous pouvez réussir cette chose-là. Et si vous projetez votre image sur une plaque photographique, autrefois, on avait des plaques photographiques en du code film qu'on appelait du film coupé, hein, au lieu d'avoir des rouleaux de film. Alors, on pouvait projeter l'image sur une plaque photographique comme ça, puis partir après, puis la développer, puis la reproduire indéfiniment. Et sur le mur, dans noirceur, c'est très visible. Très visible. Alors ici, Alexandre, j'ai plusieurs questions écrites. S'il y en a d'autres qui ont des questions, j'aimerais que vous les écriviez puis venez les porter en avant. De cette façon-là, les autres personnes vont pouvoir entendre la question à laquelle Alexandre répond. La première ici, Alexandre, quelle est la différence entre l'énergie magnétique et l'énergie dynamique? L'une est active, l'autre est passive. La Terre est magnétique, elle attire tout ce qui vient des espaces célestes. Le soleil est dynamique, hein, qui veut dire force, énergie, hein. Alors, l'une est active, l'autre est passive. C'est ana et kata, quelque chose analogique et catalogique, hein. Positif et négatif. La distinction. C'est les deux contraires, les deux opposés. Et un point équidistant, ben, ils se rejoignent puis ils font une énergie équilibrante. Dans tous les domaines de la nature, dans l'alchimie, on emploie ces deux énergies-là. L'énergie radiante du soleil, ou bien l'énergie qui vient du soleil, telle que la rosée, hein, qui contiendra ce sel qui est dynamique. Et ensuite, l'élément qui viendra de la Terre, soit le cinabre, hein, lui qui est magnétique, attire cette énergie du ciel. Alors, les deux sont complémentaires. C'est comme le mâle et la femelle, dans tous les domaines de la nature. Positif et négatif, actif et passif. Ça, c'est la distinction. Et deux pôles opposés d'une même force. Dans le cas présent, la Terre serait femelle. Exactement. Et le soleil serait mâle. Exactement, oui. C'est pour ça qu'on dit que la Terre est notre mère. Précisément, oui, oui. Puis Dieu est notre Père, oui. Oui. Cependant, toutes les forces sont bipolaires, que ce soit des forces cosmiques ou des forces microcosmiques, telles que dans l'homme, il faut qu'elles soient bipolaires. Et un homme bien équilibré établit l'harmonie entre ces deux forces-là. C'est là que l'alchimie sur le plan spirituel, aussi bien que sur le plan matériel, entre en jeu pour équilibrer, avoir l'équivalence des deux. Pas rien que l'équilibre, mais l'équivalence. Alors, l'équivalence cellulaire, puisqu'il contribue beaucoup à l'harmonie dans le système, c'est d'être bien équilibré au point de vue cellulaire aussi. Alors, il n'y a pas de différence, mais seulement deux contrastes. Les deux pôles opposés d'une même force. Ouais. Comment recharger le plexus du cœur après une perte d'énergie? Ah bon? Il s'agit d'abord de dégager le plexus solaire, parce que le cœur devrait être au centre de l'organisme, hein, au plexus solaire. Et pour des raisons que ça serait trop long d'expliquer, il est situé à gauche, parce qu'il y a un déséquilibre d'un côté. Alors, le recharger, c'est simplement respirer abdominalement ou respirer par le hari, comme on l'appelle. Je ne sais pas s'il y a déjà entendu ce terme-là, le hari ou le hara, qu'on appelle. C'est un plexus solaire, puis il y a la fonction d'une éponge, juste contract et se dilate, juste contract et se dilate. Respirer de manière à ce qu'on soit conscient qu'il y a une éponge au niveau de notre embellique ou un peu au-dessus, là, qui fait une contraction comme ça. Et faites ça pendant 5 ou 6 minutes, vous êtes chargé d'énergie. Si vous faites ça le soir avant de vous coucher, vous ne dormirez pas pendant des heures de temps, tellement vous êtes chargé d'énergie. Alors, le plexus solaire, comme je disais tout à l'heure, a pour fonction de convertir l'énergie solaire en énergie humaine. Et le centre de jonction, c'est exactement le hara ou le hari, comme on dit parfois, le plexus solaire. Alors, on est conscient de son plexus solaire, on respire abdominalement, la poitrine bien dégagée, et là, dans très peu de temps, en quelques minutes, 5 à 10 minutes, vous sentez chargé d'énergie. Ouais. Alors, je pense que tu viens de répondre à la troisième partie de cette question, qui est la suivante, je vais quand même la lire. Comment rééquilibrer le corps tout entier au point de vue énergétique? Ceci, exactement ça. Charger le plexus solaire en respirant plus abdominalement qu'intercostalement. Il y a la respiration abdominale, la respiration du diaphragme, la respiration intercostale. Par exemple, un coureur prendra une deuxième haleine. On a déjà transporté une deuxième haleine, n'est-ce pas? Alors, deuxième souffle. Deuxième souffle, oui, on appelle ça de second wind, oui, justement, le deuxième souffle. Alors là, c'est le plexus solaire qui fournit l'énergie. Il se contracte. Et les poumons ne respirent plus, c'est le plexus solaire qui respire. Hein? Il respire de l'énergie pure, au lieu simplement de l'oxygène. Hein? Là, il respire du nitrogène. C'est du feu. C'est du feu, véritablement. C'est quand même difficile à visualiser lorsqu'on entre dans ce domaine. C'est l'expérience qui nous fait comprendre. C'est pareil comme ce gestuel que je vous décris, là. Quand vous avez réussi une fois, ah, vous dites, là, je sais comment ça se fait, je n'ai pas vu tout de suite auparavant. Et là, vous le faites inconsciemment. Puis, il n'y a plus de mystère après ça. Est-il vrai que des alchimistes ont réussi à transformer de la matière en or? Oui, ben oui. On a dans les musées lapidaires, dans certains musées, oui. Lapidaire, quand lapidaire, il entre à la pierre, la piste, lapidiste, la pierre, oui. Alors, je parle de typologie, des petits mots logiques qui ne sont pas toujours logiques. Ah, oui, on ne parle pas de la piste la jury, t'as entendu parler ça? Hein? Une pierre, on appelle la piste la jury? Hein? Ça existe, cette pierre-là? Oui, oui. Alors... Oui, alors il y a dans le monde une soixantaine de pièces authentiques comme ça. Les nobles à la rose, par exemple, qui a au musée numismatique de Texas. Oui. Oui, musée numismatique de Texas. Ils ont des nobles à la rose qui ont été faites par Raymond Lulle. Ce sont des pièces de métal qui sont assez grosses. Ils se vendent 10 000 $. Il y en a 7 ou 8, oui. Ouais. Il faudrait spécifier aussi, Alexandre, que l'art alchimique, c'est un art pur. Oui, c'est comme vestir dur, par exemple. Mais si vous mettez pressé votre ongle dans cet or-là, ça paraît comme si vous pressiez votre ongle dans de la cire. Hein. Vous pouvez le durcir en faisant un alliage après. On ne peut pas le mettre dans le commerce parce qu'il serait trop malléable. C'est de l'or de véritablement 24 carats. Bon, répondre à la question, est-il vrai? Oui, c'est vrai, c'est un fait. Hein? C'est un fait qui a été prouvé depuis longtemps. Parmi, justement, les gens qui l'ont accompli, on pourrait nommer Salomon, je pense, qui a été le premier, le père de l'alchimie qui a construit. Récemment, même au temps du Moyen-Âge, parce que du Moyen-Âge, j'ai eu un très grand homme. Oui. Ouais. Au Vatican, il y a beaucoup d'art. Oh, mais oui, Jean XXII, le pape d'Avignon, là, on a transmis suffisamment pour bâtir tout le Vatican, toute la cité vaticane. Ouais. Et dernièrement, en Inde, on en a fait beaucoup. À Junta, on en a fait énormément. Maintenant, il y a quelques années, on a mis à l'épreuve ici, à l'Université McGill. On a des affidavits de ça. Oh oui, c'est un personnage, oui. Oui, on a des... Ouais. Saint-Vincent de Paul est un bel exemple. Justement. Il a fondé 22 heures. Il a travaillé avec un alchimiste arabe, puis quand il est revenu à Paris... Il a dépensé tout cet or à édifier des fondations pieuses pour tous les enfants pauvres, oui. Alors, c'est un alchimiste. Bien d'autres aussi. Et le comte de Saint-Germain a transformé du plomb en or par plusieurs témoins. Puis, il y a aussi de... L'alchimie ne fait pas rien transformer du plomb. On peut durcir le mercure aussi et en faire de l'argent. Hein? De l'argent européen, on appelle ça de l'argent européen. L'or, on appelle ça de la chrysopée. Et on a la silicopée aussi. Saint-Germain était spécialiste en purifier des pierres, hein, des pierres ordinaires, du verre ordinaire, et on faisait des pierres précieuses, puis purer des pierres aussi. Ouais. Oh, il a fait ça naturellement, la personne qui atteint ce point, Alexandre, automatiquement, il faut que son intérieur se purifie de la même façon oui. que le plomb maintenant, est purifié en or. Justement, son intérieur se purifie, devient du feu, parce que la force transmutatoire, c'est l'énergie de l'alchimiste même. Hein? C'est l'énergie de l'alchimiste. C'est son propre feu. Ouais. C'est ça. Ce feu dont tu parles, est-ce qu'on pourrait pas dire que ça serait... c'est une énergie qui est atomique? Elle est atomique, oui. Radio-actif. Même paratomique. Elle est paratomique. C'est l'énergie vitale, c'est l'élan vital. La vie est un feu en latence. On le maîtrise, bien, on en est maîtrisé, on y est maîtrisé. Hein. Alors, si on contrôle ce feu, qu'on l'emploie pour des fins bienfaisantes, que ce soit... Est-ce que ça voudra contrôler la matière? C'est possible. Ça a toujours été possible. Toujours. Même dans... Il y a des profanes qui n'ont jamais eu aucune teinture d'alchimie qui ont réussi. Dans le cas de Saint-Germain, il y avait un nommé Aliette, un barbier, qui faisait des exhibitions d'alchimie. Aliette, était-il là ou Aliette? T'as entendu parler de ce bonhomme-là? Non. Le denier du pauvre, il y a qu'un petit volume intitulé Le denier du pauvre, parce qu'il a fait pas mal d'argent, puis il donnait ça aux pauvres. Ouais. Pareil comme ça, mais ça ne parle pas en même temps. Alors... quand on sait se servir du feu sacral, je précise, c'est le feu sacral, le sacré feu, ouais. Puis qui nous sort par le bout des doigts, ah ben là, il fait quelque chose de phénoménal. On peut faire des tours de force comme Éric Geller ou bien d'autres, etc., puis bien d'autres aussi. Mais on joue pas avec ce feu-là, il est trop précieux. Ouais. Alors c'est le Agnus Dei, le feu divin, le feu de Dieu. Ouais. Dieu est un feu. Les Templiers disaient, comme mettaient sur leur étendard, Dieu le veut, mais c'est pas ça qu'il voulait dire. Il voulait dire Dieu le feu. Ouais. D'ailleurs, c'est ça que Moïse nous a dit dans son buisson ardent. Hein. Ouais. Dieu, c'est le feu, le buisson ardent, le feu qui brûle sans se consumer. Puis plus on l'emploie, plus il est disponible, puis on sait le manipuler. Ouais. Pour moi, la paix est joie. Mais comment rire en paix devant le clown qui tombe et des malaises des autres et de soi? Sans blesser, comment être heureux sans provoquer les malheureux? Et voici, il y a le rire, il y a le rire, il y a le rictus, puis il y a la jovialité, puis il y a le ridicule aussi, mais il y a le rire qui est un sourire de béatitude. Ce n'est pas gavroche, ça, hein? Ce n'est pas ridicule. Hein? C'est simplement l'expression d'une joie intérieure. Ce n'est pas se faire des oreilles, des lèvres jusqu'aux oreilles, hein? Non. Alors, s'exprimer sa joie, l'expansion. Ouais. Alors, la gaieté, ou la jovialité, ou l'iralité, si on veut aller jusqu'à l'extrême, ou l'ultra-comique, ce n'est pas nécessairement de la joie. Non. C'est falsifier des valeurs. On a le grand comédien avait un masque. Ben oui, puis on a toujours eu l'exemple de ce petit opéra de Pagliaccio, hein? N'est-ce pas? On dit... Ris, paillasse, ris de ton amour qui s'envole. Hein? Paillasse qui se fait dérober sa compagne par Canio, etc. Ouais. Ris de ce poignard qui te pénètre le cœur. Ris et tout le monde applaudira. Ouais. On peut ça des sanglots, paillasse. Ris et tout le monde applaudira. Ris des paillachos, surtout amor in fronto. Ça veut dire de rire. Ris, paillasse, oui, sur ton amour qui s'envole. Ris de ce poignard qui pénètre le cœur. Ris, bouffon, et tout le monde applaudira parce que la foule paye et veut avoir pour son argent. Alors, il rit, outrancièrement. Alors, ça, c'est pas du rire, ça, c'est une ivresse. Ça suffit. D'où vient l'eau bénite? Pourquoi elle ne se corrompt pas? On l'appelait Benoîte autrefois, n'est-ce pas, de l'eau Benoîte? Comment? L'eau Benoîte, oui. Benoît. En termes d'alchimie, on appelle ça de l'eau Benoîte. C'est le terme qu'on employait dans toute la liturgie, oui. Puis, de l'eau bénite, on en a toujours eu à. Dans le temps de Pâques, hein, le samedi saint, on fait les fonds baptismaux avec de l'eau dans laquelle le prêtre fait le simulacre, c'est-à-dire introduit le feu dans l'eau. Il y a une chandelle, puis il l'introduit dans l'eau, dans cette cuve qu'il y a toujours en arrière des dix ans. Hein? On a vu ça, je pense que ça existe encore. Moi, je ne vais pas toujours à la messe, mais je sais par cœur. Fait que oui, alors cette eau-là était bénite, mais la bénédiction. Consistait à introduire le feu dans l'eau. Quel feu? C'était le feu céleste, hein? Dans l'eau. Alors, cet œuf-là avait des propriétés, il était censé avoir des propriétés. Puis on avait autrefois l'huile bénite aussi, la sainte ampoule. Les rois et les évêques et les cardinaux étaient oints de cette huile-là, une huile bénite, ouais, qu'on appelait le Saint-Crème par la suite, ouais, l'huile christique. Ouais. Que les alchimistes, justement, appellent justement, l'huile christique. Oui. Alors, c'est notre chrysopée, nous autres. Hein, cette huile-là que l'on fait, elle a des propriétés dynamiques. Hein. Elle était imprégnée d'un feu. Par exemple, l'huile que l'on emploie pour la chrysopée, ben, elle vient du ciel, c'est-à-dire son feu vient du ciel. C'est le nitre atmosphérique qu'on a introduit par le biais de notre atanor. Cette huile-là est dynamique, et magnétique et radiante. Elle est dynamique parce que tu as induit ton énergie dans le sel. Exactement, okay. Oui. Oui. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas rien qu'un processus mécanique. Il faut qu'il y ait l'énergie de l'alchimiste lui-même. Cette énergie-là, c'est l'énergie vitale qu'il émet et qu'il introduit dans la matière. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'alchimie, de fait. Il faut que le chimiste soit capable de libérer son énergie et l'introduire, imprégner la matière de sa propre énergie. C'est exactement ça. Je suis ici pour la première fois. J'aimerais... Pardon? Bienvenue. C'est pas moi, Alexandre. Hein? Non. J'aimerais avoir des détails sur la rosée du lac Georges. À quelle heure de la nuit ou du jour? Merci. Oui. Premièrement, Alexandre pourrait peut-être justement expliquer préciser ça. Que la date, disons que cette période de temps-là, se produit une fois par année, astrologiquement oui. parlant. Quand la Lune passe devant le Soleil, elle fait une occultation, alors ça dure 8 minutes, ça. Alors les radiations solaires sont interceptées. Et après que la Lune est passée, et que Vénus est encore en exaltation dans son signe, dans le signe de Taurus, là, le Soleil jaillit, beaucoup d'énergie. Alors, cette énergie-là est véhiculée par la rosée, hein, l'exhalaison de l'atmosphère. Et alors, c'est là qu'on en ramasse du nitre atmosphérique, du sel céleste. Alors, ce sel-là, ce n'est pas du sel de table, c'est véritablement du sel christique. Christique, en disant qu'il vient du soleil, il est réfléchi par la lune, par le biais de la rosée. Et la rosée dont on a imprégné les draps en les exposant à la lune, comme ça, on la tord à travers des entonnoirs. Je pense que ça vous a déjà été expliqué. Et là, on la met au four pour la faire évaporer, et ce qui nous reste, c'est un sel très fin, aussi fin que de la poudre de riz, par exemple. Et ce sel-là, c'est véritablement l'énergie solaire qui a été corporifiée, qui a été recueillie avant qu'elle tombe dans la terre. C'est cette rosée-là qui fertilise la terre. Et avant qu'elle fertilise la terre, on l'intercepte sur les draps, puis on la fait passer par l'atanor pour lui enlever toutes ses impuretés. La tenor, je pense que vous l'avez vu une couple de fois ici, il est encore exhibé là. Alors, on va s'en servir bientôt. Alors, notre procédure consiste à recueillir cette rosée-là, cette force céleste. Le mot ros, rosée, ça veut dire force, hein, en ionien. Alors, cette force céleste-là servira à évertuer tout ce qu'il y a de latent dans le minéral, le végétal et dans l'homme également. Hein, c'est la force de toute force, comme dit la table des mots. C'est exactement ça que l'on va faire dans notre expérience, dans notre aventure. Pour l'endroit précis, c'est parce que ça sera plus frais, hein, c'est-à-dire moins... La température sera agréable. Il y a une date précise, justement, basée sur l'astrologie, puis oui, il y a aussi c'est un endroit... toujours le Pâques, le premier dimanche de Taurus du mois d'avril, hein, habituellement. Mais Pâques, c'était un moment de 8 minutes seulement. C'est le passage. Le mot veut dire passage. Ça dure 8 minutes seulement, Pâques. Et quand les deux corps célestes, la Lune et le Soleil, sont en jonction, là, ils influencent le Soleil, ils l'occultent, et après ça, ils jaillissent. On a déjà entendu dire que le Soleil danse. Avez-vous déjà entendu parler du Soleil? La danse du Soleil? Le matin de Pâques, on va voir danser le Soleil. Les anciens disaient ça. C'est parce que le Soleil jaillit. C'est parce qu'il était... Il n'y a plus d'énergie qui est visible subitement. Ils ont été voir danser le soleil sur le bord de l'eau. Vois-tu, Alexandre, le 2000 ans, la Pâque, disons, les Juifs hébraïques, Jésus de Nazareth, on sait que le Nazaréen avait une connaissance ésotérique absolument... Bien, il faisait partie des Athéniens qui étaient des astrologues, des astrosophes surtout, oui. Mm-hmm. Oui. Et puis, on sait... Il parlait en connaissance de cause, parce qu'il célébrait la Pâque, hein. C'est pas rien que pour des fins de commodité sociale, mais c'est pas pour ça. Coïncide avec un événement cosmique. C'est ça. justement. Exactement, c'est un événement cosmique. Et puis, au lieu, disons que nous, on nous a toujours laissé sous-entendre que Pâques était la célébration de ce qui s'était produit, mais en réalité, c'est ce que Jésus s'est servi de ce temps-là précisément. Exactement. Par rapport à toute l'énergie qu'il y avait dans l'air, si on peut s'exprimer ici. Oui, mais maintenant, cette fête de Pâques, que l'on appelle maintenant Pâques, ça existait bien avant aussi. Bien avant, les Esséniens le pratiquaient depuis le temps de Samuel. Depuis le temps de Samuel, on en parle dans le livre des deuxième livre des rois. Hein? On parle de ça, du passage de la lune. Ce 8 minutes précis, Alexandre, qui se reproduit à chaque année, oui. Coïncidait avec quel événement dans la période que Jésus... Bien, d'abord, avant les Israélites, il y avait des nomades dans le désert qui faisaient beaucoup d'astrologie. Se basaient sur des configurations astronomiques pour tous les événements. Toutes les fêtes religieuses étaient basées sur des événements astronomiques. Toutes. Ils ont toutes une relation. Alors, l'héritage judéo-chrétien est simplement surajouté à ce qui existait précédemment, surtout les Perses, du temps de Zoroastre. Durant ces 8 minutes où il y a un surplus de force, qu'est-ce que Jésus a fait à ce moment-là? Il était dans le cénacle, dans la chambre haute, comme on appelle, puis il participait à une mendication, à une agape, qu'on appelait une agape, à la faveur de laquelle il a partagé le pain et le vin pour faire révéler que tout ce qui est sur la terre, c'est le corps et le sang du soleil, l'énergie solaire. Hein? Quand il a dit ceci est mon corps, ceci est mon sang. Tout ce qui est à la surface de la terre vient du soleil. Alors, il a voulu christifier toute nourriture comme étant le corps du Christ, dont il était l'ambassadeur. Pas facile de faire comprendre ça. Qu'il voulait christifier toute énergie solaire, faire réaliser que c'était de l'énergie spirituelle, puis qu'il se manifestait sous forme de mendication. Et l'agape, qu'elle y a fait participer, tous ses autres disciples, c'était lui faire réaliser cette vérité-là. Que l'énergie qui vient du soleil, c'est de l'énergie vitale. Et si on s'en nourrit, c'est une mendication, une communion avec la source de toute vie. S'en nourrir. Oui, s'en nourrir. S'en alimenter, exactement ça. Ouais. Consciemment. Oui. Tous les pères de l'Église ont compris ça. C'est-à-dire plusieurs des pères de l'Église ont compris ça. Saint Thomas d'Aquin, par exemple, qui dit « Adorote latin divitas, je t'adore révérencieusement, aux déités latentes. » Un autre dit « Aux choses mirabiles, aux choses... » Vénérable, au res mirabilis. Oh, dans quel cantique c'est ça? Moi, je suis appuyé sur un petit bout de temps que je n'ai pas été. Au res mirabilis, mande ou quatre dominum, pas faire ça, vous êtes appuyé. Oui. Que cette chose est merveilleuse. Voici que l'homme se nourrit de son Dieu. Hein? Voici que l'homme se nourrit de son Dieu. J'entends tout ma gauche, c'est ça, peut-être. Au res mirabilis, mande ou quatre dominum, pas faire ça, vous êtes appuyé. Que cette chose est merveilleuse. Voici que le pauvre, le mendiant, le serviteur se nourrit de son Dieu. Hein? C'est ça qu'il a compris. Saint Thomas d'Aquin, c'est ça. Ouais. Ouais. Bon, alors ce mystère, se trouve à être dévoilé parce qu'il n'y a pas de mystère du tout. C'est que toute énergie, l'énergie, on a levé le voile, l'énergie vient du soleil, on s'en nourrit, puis cette matière christique, c'est l'énergie solaire qui est sous toutes ses formes et notre source de vie. Plus qu'on avance dans le temps, soit dans l'air du verso, oui, ça se révèle. Plus que les voiles se lèvent. On comprend justement. Il n'y a plus de mystère dans ça, non. Voici une question, Alexandre, qui concorde un peu avec la dernière, mais qui a quelques petites différences, je pense. Le phénomène de la rosée des 4 et 5 avril arrive-t-il toujours à la même date chaque année? Est-il lié à l'eau de Pâques miraculeuse de la religion catholique? Oui. Mais l'eau de Pâques, de la religion catholique, c'est ce qui correspondrait à l'eau lourde du physicien cosmonucléaire, hein, thermonucléaire. Cette eau de Pâques est plus forte, hein. On pourrait, si on en faisait dans l'analyse chimique, dire c'est H3O au lieu de H2O, hein. La formule de l'eau, c'est H2O. H2O, n'est-ce pas? Et on dirait cette eau-là, c'est de l'eau lourde. Par exemple, l'eau de Lourdes qu'on a à Lourdes, hein, exactement, la même chose. Mais oui, c'est pas sans raison qu'on a plus ces termes-là. Hein. Ah, elle a été énergisée. Et précisément, ça vient des Pays-Bas, alors des terres chaudes, hein, justement, dans les Pays basques, hein, les Pays-Bas. Alors cette eau-là est lourde, véritablement lourde. Sa formule est H3O au lieu d'H2O. On en fabrique avec l'uranium, ben, nous autres on en fabrique avec du plutonium, ou ben, une autre substance. Ouais. L'eau de Pâques serait-elle le même résultat, c'est-à-dire sous forme différente? C'est-à-dire pas le même résultat, mais aura-t-elle la même source que ce 8 minutes? Absolument. Ah oh, oui, définitivement. Mais seulement, ce n'est pas dans le milieu du fleuve, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé parce qu'elle s'est trop diluée. Je l'ai trouvé dans les endroits où il y a très peu d'eau. Là, elle est sursaturée. Mais si vous allez la prendre dans le milieu du fleuve Saint-Laurent, il y en aura. Elle ne sera pas saturée du tout, hein, parce qu'elle sera trop diluée. Alors, cette eau-là, c'est une eau qui a été imbibée de cette substance abstraite, ce nitre atmosphérique. Là, il y a des propriétés, ce n'est plus H2O, c'est H3O. Est-ce qu'il y a une propriété radioactive à ce moment-là, Alexandre? Oui. Oui. Même avant que l'alchimiste lui injecte son énergie. Ah oui, ah oui, oh, oh, oui, oui, oui. L'alchimiste fait artificiellement ce que la nature fait. Naturellement, disons. Oui. Mm-hmm. Oui. Oui, la nature, les facultés de la nature rassemblent les mêmes conditions dont elle se sert pour faire ces choses merveilleuses. Ouais. Que vivifier la terre au moment du réveil de la nature. La résurrection du Christ, hein, c'est simplement l'éveil de la nature à cause de l'insurrection du soleil. On prend une énergie, on hausse son taux vibratoire. Exactement, c'est ça qu'on fait. En d'autres termes, on prend une sorte d'atome. Oui. Qui est, on accélère. Qui est disponible pendant 8 minutes durant oui. l'année. Oui. En énergisant cet atome-là, on se trouve à élever son taux vibratoire. Exactement, c'est exactement ce qui se passe. Ce qui permet, lorsque tout ça est fait, après un mois de gestation, de prendre ce résultat et de hausser le taux vibratoire du plomb ou du mercure pour en faire le plus pur. Exactement ça. C'est un catalyseur. Hein? Exactement ça. Alors, la chimiste ne fait que répéter sur une petite échelle ce que le grand alchimiste de l'univers fait dans tout le cosmos. Ouais. Grand alchimiste de l'univers, c'est bien dit, ça. Mais oui, on l'appelle comme ça chez nous. Ouais. Tu restes à Sainte-Julienne, toi? Pour mettre notre conscientisation en marche ou pour l'accélérer, s'agit-il d'abord de mettre le focus sur la respiration bien faite et le reste viendra-t-il par surcroît? Voici, on sait que la vie est introduite, fut introduite dans l'homme quand le créateur a soufflé l'esprit de vie dans les narines. Hein? Symboliquement, c'est ce qu'on nous a représenté. Justement, oui. Alors là, l'homme est devenu une âme vivante, quand il a soufflé dans une orine. Bon, très bien. Maintenant que la vie cesse d'intégrer un corps dès qu'il cesse de respirer, hein? Bon, la vie physique. Alors, la vie, c'est un respire, c'est une réinsufflation d'esprit. Incessante. À chaque respire, la vie s'insuffle en vous. La vie s'insuffle en vous. Et vous expulsez ce qui est brûlé par la vie, votre activité quotidienne, et vous réplénissez votre vie d'une inspiration nouvelle. La vie, c'est un courant incessant d'inspire et de respire. Ce que tu viens d'expliquer, Alexandre, si on regarde ça bien consciencieusement, on s'arrête puis on regarde ce qui se produit à l'intérieur de nous lorsqu'on respire. On prend conscience de notre respiration. Et qu'on prend aussi conscience qu'on ajoute de la vie à ce moment-là. Mais est-ce que la vie n'ajoutera pas plusieurs moments après? Oui, justement. Je décrivais cette procédure de devenir conscient de notre respiration diaphragmatique. L'expiration du plexus solaire. Vous êtes tellement conscient que c'est votre plexus solaire qui respire que vous le sentez vibrer. Vous le sentez vibrer. Alors, tout ce que vous faites, c'est de concentrer sur votre hara, sur votre plexus solaire comme ça. Si vous concentrez votre respiration sur le bout de vos doigts, vous allez le sentir vibrer. Hein? Mettre sa conscience dans le bout des doigts. Dans le bout des doigts, exactement. Ça se fait automatiquement. L'exercice de circulation ascendante, vous concentrez d'abord sur vos pieds, sur vos chevilles, etc., jusqu'à ce que vous atteigniez le plexus solaire. Et quand vous avez atteint le plexus solaire, vous avez presque envie une sensation que vous allez éclater tellement que l'énergie est là. Alors, laissez monter jusqu'au centre christique. Ouais. Mais c'est de la respiration consciente. Ouais. Alors, respirer, c'est se respiritualiser incessamment. Lorsque j'utilise un grille-pain ou n'importe quel objet électrique, il ne fonctionne plus. Pour quelle raison? Je dérègle tout ce qui fonctionne à l'électricité. Merci. Vous déréglez, c'est-à-dire que vous avez fait un court-circuit. Le court-circuit sera fait par une espèce de dispositif qui empêchera trop d'énergie de s'emparer du courant. Alors, ce que vous avez fait un court-circuit. Et le fusible que vous avez employé pour empêcher l'incendie du bois autour de vos fils électriques, se trouve à déclencher le courant. Alors, c'est parce que votre dispositif, votre appareil grippant, est en défaut. Il a donc fait un court-circuit. Alors, immédiatement, le fusible que vous avez employé détache le circuit ambiant du dynamo à l'extérieur qui fournit l'électricité pour empêcher la combustion. Mais ici, on semble impliquer que c'est lorsqu'on utilise un appareil électrique quelconque, qu'après qu'on l'a utilisé, par rapport au contact qu'il y a de cet individu, si je comprends bien la question, avec l'appareil, il y a des règlements, comme certaines personnes, par exemple, ne peuvent pas porter une montre. Si tu portes une montre, il y en a qui les écrits, ils se mettent à tourner. Oui, justement, il y en a beaucoup comme ça. Puis des cassettes, par exemple, si on les met dans un endroit où il y a un courant magnétique, ils se déséquilibrent, ils brûlent toute l'énergie qui sont accumulées sur les bandes. Alors, ça, ce sont des forces, des mouvements vibratoires qui sont en antagonisme les uns avec les autres. Il y a des personnes qui ne peuvent pas faire fonctionner certains appareils ménagers. Bien des femmes, à une certaine période du mois, ne peuvent pas. Ça, c'est un fait reconnu. Bien des choses aussi, dans le domaine de l'électricité. Je brûle toujours mon curseur à telle date. Alors, laisse faire les choses, parce que c'est... Ça serait le taux vibratoire. Oui, justement, le mouvement vibratoire. L'électricité, c'est un mode vibratoire. Puis la vie est une longueur d'onde aussi. Je trouve votre conférence intéressante. Cependant, cela me semble facile d'affirmer qu'on peut atteindre la paix intérieure simplement par ces exercices. Un équilibre entre l'égoïsme et l'altruisme, etc., etc. Cela me semble détaché de la réalité concrète et quotidienne des gens. La paix intérieure ne s'atteint-elle pas grâce à un cheminement plus complexe et unique à chacun? Oui, maintenant, je ne crois pas avoir déclaré ou énoncé que la paix intérieure, c'était simplement le résultat d'un mode de comportement purement physique, un mode de respiration. Non, ce n'est pas rien que ça. D'abord, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Ça consiste à être en harmonie avec soi-même. Harmonie au point de vue de conscience personnelle, conscience morale, conscience sociale. Ensuite de ça, être conscient que l'on n'est pas des dynamos individualisés, que nous sommes en contact avec le grand magnéto universel. Alors, si on se sent toujours branché, on a toutes les raisons de dire « ma source d'énergie est omnilatante. Je n'ai pas à m'inquiéter si je n'ai pas assez d'énergie qu'il faut que j'aille puiser dans une bouteille de médecine. » Alors, ce que tu fais, toi, Alexandre... C'est intérieur, c'est un état d'esprit, un état de confiance absolue à la source de toute vie. Ce que tu fais, je pense, c'est que tout simplement, tu dis, il y a une route, un highway, une route divisée, une autoroute rapide, et puis voici, elle est là, elle est faite comme ça. Vous pouvez l'utiliser, mais c'est alors, chacun... Alors, si nous sommes en harmonie avec soi-même, au point de vue conscientiel, conscience morale aussi bien conscience éthique, alors, on a toutes les prédispositions pour être en état d'esprit. Les problèmes ne sont pas si insurmontables qu'ils semblent l'être d'abord. Alors, il n'y a pas de crainte, la crainte n'existe pas où il y a de la paix intérieure, puis où il y a de l'harmonie intérieure. Il y a l'esprit d'analyse et l'esprit de synthèse à laquelle on peut toujours se fier. Alors, l'homme qui est en paix avec soi-même peut voir tous les phénomènes tels qu'ils sont, des choses qui sont accidentelles dues aux circonstances. Maintenant, si on revient à une partie ici, j'aimerais ajouter ceci, un équilibre entre l'égoïsme et l'altruisme, toutes ces choses-là. Si on étudie, si on fait une étude de toutes les sciences ésotériques qui existent sur la planète Terre présentement, on va se rendre compte d'une chose, c'est que toute personne qui enlève son égoïsme, surtout, c'est-à-dire pas l'égoïsme, mais l'ego sur les 22-23 facettes, jusqu'à 23 facettes, et automatiquement, tout se casse. Mais c'est que c'est pas facile de faire tout ça. Non, mais pas nécessairement. Quand le moteur central est déclenché, tous les autres réseaux subsidiaires y participent. Quand le centre des centres supérieurs, le centre critique, la fontanelle, le centre subliminal est éveillé, tous les autres centres conscienciaux en subissent l'influence. Alors, le centre critique ici contrôle tous les autres, c'est la glande supérieure, contrôle tous les autres. Pas rien dans le système endocrinien, aussi dans les organes, dans les organes. Et quand le plexus solaire fonctionne à plein rendement et que la pinéale est bien développée, toujours, je vais toujours mettre de ce centre-là, alors il n'y a pas d'anarchie dans le système, pas d'anarchie du tout. Et c'est un état normal d'être en paix, parce qu'il y a de l'harmonie dans tout votre système, dans tous ces réseaux. Et là, de toi, tu parles de la vraie paix, la paix réelle, pas la vraie même, la paix réelle. La paix réelle, oui. La passivité, la béatitude. Tu ne comprends plus la béatitude. Justement. Parce que paix, on peut connaître des fois une fausse paix. Oui, justement, oui. Une vraie, une fausse. Oui, oui. On peut aussi connaître la réelle. La réelle. Oui, des partiellement produites, mais il y a toujours la réaction nocive, oui. Alors, il y a des gens qui produisent la paix en se jouant, pour ainsi dire. Oui. Oui, dernier. Hier soir, on avait tout un programme à la télévision, plusieurs l'ont peut-être vu, hein? Comment est-ce que les jeunes cherchent la paix dans cette anarchie? Ben, c'est une paix qui a des suites bien néfastes, hein? Mais c'est ce désir que tout le monde a d'atteindre la paix, hein? Ouais, dans un monde en anarchie. Mais la paix, c'est un état normal qui devrait s'imposer, même à notre insu. Ouais. Être bien dans sa peau. Ouais. Ouais. Ça. Ouais. Mais il y a des hauts et des bas. Oui. Il faut les amener au centre, comme tu dis. Ouais. Qui était J. Augustus Knapp? Pas connu. Oh, K-N-E-I-P? K-N-A-P-P que j'ai ici, Alexandre, mais je ne connais pas moi non plus. Vous bien sûr, c'est l'appellation du monde. Il y avait le père Knapp. Le père Knapp qui était le père de l'hydrothérapeutique en Bavière. Father Knapp. Je ne connais pas. Non? Non, le mot ne me dit rien. Si c'est le nom correct, ça ne me dit rien. Je n'ai pas connu ce gars-là. Non. Parlez-nous de la table d'émeraude. Oh, voici. Bon, on l'attribue au père de l'alchimie, oui, justement, Hermès Trismégiste, Hermès qui est l'homme, et puis moi, l'homme céleste. T'as qu'une hermaphrodite, c'est Hermès, hein. Et trois fois grand, comme on dit. Il a écrit un texte que l'on a découvert plus tard au Mont Hermon, qui nous donne les lois de tout ce qui se passe dans la nature, du cheminement du grand architecte de l'univers, comme on le dit, le grand alchimiste de l'univers, qui dit que tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et cette vérité-là a été transmise dans toutes les religions, dans la nôtre sans exception, dans la prière dominicale, hein? Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Hein? Bon, c'est exactement ça que ça dit. Alors, Hermès nous dit que ce qui est en bas n'est que la réflexion, l'ombre, projeté de ce qui est en haut. Alors, il devrait avoir la même harmonie dans notre petite vie matérielle qu'il y a dans la vie du grand tout. Ouais. Alors, la table d'émeraude donne ça. Pour accomplir le miracle d'une seule chose, qui est l'harmonie de la totalité de l'univers. Ouais. On dit, le soleil en est père, la lune en est la mère, le vent est porté dans son ventre, la terre est sa nourrice. Ça, c'est les choses de la table d'émeraude. C'est ni plus ni moins le décalogue de tous les alchimistes. Ai-je bien compris qu'il était possible de se trouver en lévitation en quelques dizaines de jours, même exceptionnellement? Quel est le cheminement de l'énergie solaire du plexus? Changement de polarité, tout simplement. Oui. Deux pôles, la Terre est négative. Si vous vous rendez négatif, alors vous serez poussé par la Terre au lieu d'y être attiré. Alors, normalement, pour vivre convenablement sur la Terre, il faut que vous soyez positif, hein? Autrement, vous avez volé, hein? Ah oui. Alors, eh bien, des gens ont pratiqué ce mode de changement de polarité, là, l'altération de la polarité, et ont fait des phénomènes de lévitation comme ça. D'autres le font sans le réaliser. Certains états de méditation, par exemple, ou de méditation profonde, vous êtes bien pacifié, votre sommeil est parfait. Vous avez véritablement la sensation que vous lévitez. Peut-être quelques pouces seulement, puis d'un coup, vous retombez, vous dites, oh, j'étais en flyer. Plusieurs fois aussi, c'est une sensation que les gens... Non seulement c'est une sensation, mais on s'en aperçoit aussi, parce que quand on retombe sur la chaise, on retombe sur la chaise, pauvre, sur peut-être quelques pouces. Vous sentez que les ressorts de la chaise, par exemple, se relâchent. Est-ce qu'on pourrait dire que tu ressens les ressorts de la chaise TD à la léviter? Non, vous, léviter, vous devenez léger. Lévitation veut dire légèreté, n'est-ce pas? Hein? Lévis, oui, légèreté. Alors, si vous changez votre polarité, vous devenez léger. Bon, si maintenant vous allez au pôle Nord, puis, quelques temps après vous allez à l'équateur, vous ne pouvez dire pas la même chose. Pourquoi? Parce que c'est plus loin du centre de gravitation. N'est-ce pas? Oui. Ça peut se faire consciemment et inconsciemment. Inconsciemment. Lévitation. Oh oui, ça, ça peut se faire consciemment aussi. Mais on ne pratique pas ça parce que, à quel but? C'est comme le grand sage. Alexandre, c'est comme le grand sage qui a passé 80 ans de sa vie à essayer de marcher sur les eaux. Oui. Et puis, quand il l'a atteint, il a traversé, puis il est arrivé de l'autre côté, il était tout content. Oui. Et puis, le type lui a demandé pourquoi est-ce qu'il était content. Tout ce qu'il avait fait, c'était ça. Oui, ça fait perdu, oui. Excusez-moi. Mais est-ce qu'on pourrait dire que ça dépend du taux vibratoire de l'individu? Exactement, ça change. Changer ton mode vibratoire. C'est ça, de ses vies antécédentes aussi. Des exercices respiratoires prolongés, des exercices de pranayana, comme on appelle, respirer alternativement et outrancièrement, vous donnerez un état de lévitation, comme ça, de légèreté. Et là, vous lévitez. Mais ce n'est pas un état normal, on ne peut pas rester dans cet état-là. Tous les grands méditateurs, les grands. Saints, disons les saints, un très grand nombre qui ont subi des lévitations hein, dans la géographie, dans l'étude des saints, et un très grand nombre de saints qui ont subi des lévitations publiques. Saint Joseph de Copernicus, quelque chose comme ça, Saint Jean de la Croix, puis un très grand nombre de saints ont été victimes de lévitations. Le Père Pio, par exemple, a manifesté des phénomènes de lévitation comme ça en Italie dernièrement. Hein? Alors, la lévitation, c'est un état de légèreté qui est causé par un déséquilibre de votre polarité. Vous devenez plus négatif que positif. Alors, comme la Terre est négative et attractive, alors les deux pôles contraires se repulsent. Quelle est la relation entre l'énergie solaire et la descente des énergies spirituelles de Keter vers Malkout? Est-ce que tu connais les... Keter, oui, ce sont des séphirotes, les séphirotes. Keter, c'est la couronne, hein? C'est la fontaine d'Alessier. Malkout, c'est la zone génitale, hein? C'est le royaume. Malkout, hein? C'est là que sont liés tous les réseaux nerveux qui combinent jusqu'au centre pinéal et au centre pituitaire. Alors ça, c'est là, les 10 séphirs dans l'arbre séphiratique, Keter et Malkout. Le haut et le bas. OK, j'avais pas tout à fait fini bon, la question. C'est l'arbre séphiratique, oui. OK. Puis la remontée de Malkout vers Keter, réintégration, en parenthèse. Exactement. Un autre parenthèse, le soleil est au milieu de l'arbre. Oui, Tiferet. Oui, Tiferet, c'est le soleil, c'est le plexus solaire, ça, Tiferet. C'est le centre solaire, proprement dit. Maintenant, la remontée de Malkout vers Keter... Tiferet. Est-ce que ça ne serait pas le Tiferet de la Kabbale? Exactement, oui. La Kabbale est basée sur l'arbre séphiratique, c'est ça que son schéma, la Kabbale, Tiferet, oui. Alors, c'est le plexus solaire, Tiferet. Maintenant, Malkout, c'est le royaume. On l'appelle le royaume terrestre, hein? La matière. Alors, ça pourra s'homologuer avec la montée du Kundalini. Hein? Alors, l'énergie vitale, qui fait son ascension le long de l'arbre de vie, le long de la sève, part du royaume génital, puis va monter jusqu'au supernal, c'est-à-dire à Keter, qui est la couronne. Keter s'appelle la couronne. Il y a Kokhma, Bina, Tiferet, hein, etc. Ça, c'est les supernales, la trinité supérieure. Ça, c'est l'arbre séphiratique. C'est le texte même de la Kabbale hébraïque. Namasté, son sens, son interprétation. Je ne saisis pas le mot. N-A-M-A-S-T-E, accent aigu. Moi non plus, je ne connais pas. Non, alors, le monsieur qui l'a cité pourrait peut-être nous dire ce qu'il veut, nous préciser ce qu'il veut dire par ça. Oui, il a puisé ce terme-là. Moi, il m'est étranger. Oui, puis s'il le dit, j'aimerais le répéter de façon à ce que tout le monde puisse comprendre. Namasté. Vous avez dit namasté, n'est-ce pas? Oui. Ah, pour moi, c'est un... On va passer à un autre très bien. Qu'on peut comprendre. Au point de vue travail physique ou intellectuel, doit-on se surpasser pour atteindre notre mission terrestre? Au moins, atteindre notre maximum de rendement, faire notre possible, se surpasser, ça revient à ce que l'on dit, on ne peut pas brûler les étapes. Alors, toute progression est graduelle. Et on aspire toujours à mieux et à plus, davantage. Mais, comme on répète à outrance, on ne doit pas brûler des étapes parce qu'on risque de trébucher le long de l'échelle de l'ascension. Ici, lorsqu'on a ouvert le centre, Alexandre, on disait ceci. Lorsque la matière regarde la lumière regarde la matière. Alors ça veut dire lorsque l'être fait un effort vers le divin s'occupe d'en donner un petit coup, il fait son effort, parce que ça, tu fais ton effort. En enchérissant en disant, quand la lumière imprègne la matière accouche de la lumière. Hein? C'est ça. Ouais. Ah ouais. Spiritualiser la matière et matérialiser l'esprit. Matérialiser l'esprit, précisément. L'esprit. Pourriez-vous me suggérer une aide que... Je vais essayer de la relire parce que là, je bloque Alexandre, je ne comprends pas. Est-ce que le rebirth, technique de respiration, est à conseiller et pourquoi? Voici, le rebirth a eu des résultats néfastes d'un très grand nombre de cas. C'est ni plus ni moins le retour à l'utérus, comme on parle en psychanalyse, n'est-ce pas? Quand un homme ou une femme, ou même un adolescent, est dans un état de détresse quelconque, il retourne toujours à la position utérine. Il faut observer ça. Un enfant retourne toujours à la position utérine. Mais il y en a même qui souhaiteraient retourner à la position intra-utérine. Alors, le rebirth... Par rapport au bien-être qu'ils ont. Au bien-être qu'ils éprouvent. C'est un état d'absence de soucis, de confort total, et un rythme cardiaque, celui de la mère, qui est ni plus ni moins très, très agréable. Alors, cette nostalgie de retour à l'utérus a été universelle. Mais le phénomène de rebirth a son utilité, rien dans des cas pathologiques. Pour l'homme normal ou la femme normale, ça ne s'impose pas du tout. Le rebirth, on l'a préconisé depuis longtemps, mais on a constaté que c'était vraiment, comment on dit, un fad, une espèce de fantaisie parapsychologique. Mais c'est en dehors de la psychologie. C'est définitivement en dehors et au-delà de la psychologie. Ça n'a aucun effet bienfaisant. Et je peux te dire, je me souviens d'avoir été dans la période prénatale. Je me souviens de ça. D'ailleurs, on s'en souvient tous inconsciemment. Certaines prédispositions que l'on a viennent des impressions qu'on a subies pendant que notre mère était enceinte. Alors, ça n'a pas d'autre effet que d'avoir une souvenance prénatale. Mais, pour certaines personnes, ça peut peut-être être sécurisant. Oui, sécurisant émotionnellement. Pour d'autres, ça peut faire le contraire. Ça oui, mais c'est une réversion, c'est pas une évolution, c'est une évolution. Retourner en arrière. Quand on sait que l'évolution est vers l'avant. Exactement ça. Alors, le rebirth ne s'impose pas comme méthode thérapeutique, mais dans bien des cas, il était nocif, très nocif. Madame, je ne me souviens pas de son nom, celle qui l'a préconisé il y a quelques années. Est-ce qu'elle n'est pas venue ici? Non. Il y a des gens qui ont fait du rebirth qui sont venus ici. Oui. Quelles étaient leurs impressions? Bien, eux, c'est-à-dire des gens qui enseignaient le rebirth, Alexandre. Alors, c'était très bien. C'est des gens qui le faisaient sérieusement. Connaissance d'un cas très pathétique, d'un rebirth qui était simplement un avortement psychique. Ça culminait en un suicide. Est-ce qu'on peut, oui, justement, ça peut dépendre aussi de la personne qui conduit le rebirth. Oui, il faut être sérieux. C'est une grande responsabilité. Une grande responsabilité. C'est comme dans l'hypnose prolongée, retour dans les vies précédentes. Il faut être très habile puis très maître de la situation. Si on regarde et on fait une analyse, Alexandre, avec tout ce qu'on a dans les livres saints, les Écritures saintes, ainsi de suite, et toute notre expérience de vie, si on fait confiance en nous et on va vers l'avant, si on fait ce que Jésus a fait, ce que le comte de Saint-Germain a fait, ce que Salomon a fait, ce que Moïse a fait. Notre direction, c'est l'évolution, c'est vers l'avant. C'est ça. Oui. Alors, la rebirth, c'est une révolution à la période utérine que Jung en a beaucoup parlé, mais qui a condamné finalement. C'est ça. Parce que ce n'est pas une évolution, c'est simplement un retour à l'infantilisme, au pré-infantilisme. Alors, non, ça a été néfaste dans bien des cas. Un cas que je connais personnellement qui a éventué en un suicide. Alors, parce que c'était simplement un retour en arrière, puis alors une situation qui n'existait plus, qui n'avait plus raison de se répéter. Quel est l'événement dans votre vie qui a déclenché votre cheminement personnel? Eh bien, voici, j'ai dit que c'était, Dieu de grâce, c'était purement accidentel. Je parle d'initiation en disant que toute initiation n'est qu'un début. Ce n'est pas une illumination totale, c'est un début. Le mot initiation veut dire début, n'est-ce pas? Moi, j'étais à faveur d'une anesthésie que j'ai subie, j'avais 12 ans, quand on m'a opéré pour une blessure à l'épine dorsale. Alors, c'était du chloroforme, une drogue qu'on appelait du chloroforme, qu'on m'a fait respirer avec un masque. Et en respirant ce gaz, je n'ai pas perdu conscience du tout. J'ai resté très conscient, même hyper conscient. Mais je suis devenu insensibilisé complètement. Et j'ai surveillé, observé, en dehors de mon corps, toute l'opération. Et au moment que j'ai commencé à respirer, j'ai suffoqué, parce que le masque me couvrait tout le visage. Et quand j'ai commencé à respirer par la peau, respiration cutanée, et à un moment donné, j'ai éclaté. Et là, je me suis vu debout devant une table d'opération, et ce cadavre qui était accouché sur le ventre, on regarde les chiens, j'ai dit, c'est Joe Blow, ça, c'est moi, ça. Alors, là, ça a duré peut-être 5 à 10 minutes, je ne me souviens pas. Et quand je suis revenu de ça, je dis, c'est étrange, ça. Je suis là, j'observe tout ce qui se passe, j'écoute, puis je passe à travers eux, puis ils ne sont pas conscients de moi. Puis je vois ça quand on regarde, on met des pincettes hémostatiques pour interviewer le sang. Et quand le médecin, quand le médecin est revenu après un certain temps, quand je suis revenu, moi, dis-je, il m'a demandé, il dit, ça m'a fait mal, mon petit bonhomme? Je dis, non, c'était merveilleux, j'ai bien aimé ça. Intrigué. Puis l'anesthétiste, c'était son assistant. Il s'est approché. My God, qui dit, mon Dieu. Et c'est une belle grâce que bon Dieu vient te faire là, mon petit bonhomme. Il dit, tu sais maintenant, hein? Ce qu'il voulait dire, tu sais que ce qu'il observait, parce que tu observais, c'était pas la même chose. J'ai dit, oui, monsieur. Est-ce qu'il avait passé par là, lui? Peut-être. C'est un homme à surgir.